Ce qui est maintenant le camping là-bas, on en a fait pousser du blé là-bas et des pommes de terre. Ce qui est le camping, c'était à nous, c'est mon frère qui l'a vendu, et ils ont fait un camping. Mais c'était une belle prairie, il y avait 2,5 hectares, vous voyez. Il y avait la prairie où on ramassait le fourrage, et il y avait une partie où on faisait nos légumes et du blé. Et puis après, on avait des terrains aussi au sec, vous voyez, parce que là, c'était l'arrosage. Au sec, on faisait du blé aussi. On faisait du blé, on faisait des lentilles. On faisait de tout. Pas chiche. Et pendant la guerre, il fallait faire de tout, hein. Il fallait vivre. Il fallait manger. Qu'est-ce que ça veut dire une terre à sec et une terre à l'arrosage? Eh bien, c'est-à-dire, une terre à l'arrosage, c'est une terre qui est à proximité d'un point d'eau et on l'arrose par ruissellement, vous voyez. Et les autres, il n'y a pas d'eau, hein. Pas d'eau. C'est les terrains au sec. On appelle ça les terrains au sec. C'est-à-dire qu'ils sont arrosés simplement par la pluie. Mais vous faisiez du blé aux deux endroits? Oh oui, oh oui. Surtout au sec. Et on faisait du blé d'automne. C'est C'était bien. pas le même blé alors, entre les terres arrosées et les terres au serre, Voilà, c'était pas le même voilà, blé. voilà. Il y a le blé de printemps et le blé d'automne. On faisait du blé d'automne. C'est quoi la différence de qualité entre les deux blés? Je ne sais pas ça, il faut le voir. Il faut le voir, ça ne s'explique pas. Le blé de printemps avait un épi beaucoup plus fourni, à 4-5 faces, alors que l'autre avait que 2-3 faces. On appelait ça du blé d'Anaute. À l'époque, on appelait ça du blé d'Anaute. Anote comme le village? Comme un village, oui, enfin, Pourquoi? j'en sais rien. C'était du blé d'Anaute. Voilà. Mon père, il disait, allez, on en s'amène à le blé d'Anaute. Et après, on moissonnait, 14 juillet. Vous vous rendez compte, on moissonnait. Mon père passait devant avec la faux. La faux avec un petit râteau sur la faux, là. Crac, crac, il fauchait. Et avec mon frère, on passait derrière. Lui, avec une faucille, il faisait des gerbes. Vous voyez, moi, je liais. Et puis après, on faisait des gerbiers dans le champ. Ce qu'on appelait des jarbirons. Rond. Des petits gerbiers ronds, des petits gerbiers ronds. Oh, je serais encore capable de vous les faire. Hein. Et là, ça restait, je ne sais pas, mais ça restait. Ah, mais ça restait le temps qu'on coupe la lavande. Parce que après, on foulait sur l'air quand on descendait de la lavande. On moissonnait, 14 juillet, du 14 juillet à fin juillet, vous voyez, 15 juillet, on faisait une moisson et à la lavande. Et après, alors, on prenait avec la charrette, le traîneau, c'était plus facile. On portait tout ça sur. On appelait ça en garbage. En garbageait, c'est-à-dire on apportait les gerbes sur l'air. Et c'était là qu'on les foulait. Oh, on n'était pas des gros producteurs de blé, je vous assure. Je ne sais pas, moi, que ça en faisait 2-3 000 kilos. On arrachait les pommes de terre, tout à la main, hein, tout au bécher. Mais ce n'était pas des grosses récoltes. On récoltait pour nous. Les pommes de terre, c'était pour nous. S'il en restait un peu, on vendait le surplus, mais enfin, on faisait pour vivre. On faisait nos lentilles, nos pois chiches, nos haricots. C'était ça la vie rurale. On arrachait les pommes de terre, tout à la main, hein, tout au bécher. Mais ce n'était pas des grosses récoltes. On récoltait pour nous. Les pommes de terre, c'était pour nous. S'il en restait un peu, on vendait le surplus, mais enfin, on faisait pour vivre. On faisait nos lentilles, nos pois chiches, nos haricots. C'était ça la vie rurale. Mais nous, on s'embauchait tout le temps, on trouvait toujours ou le reboisement, ou d'un côté ou de l'autre, vous voyez, pour passer les mois d'hiver. Et pendant la guerre, on avait notre petite chose pour scier le bois pour les gens, là. On gagnait bien, on gagnait notre vie. On survivait. Figurez-vous que les agriculteurs à l'époque travaillaient toute leur vie pour vivre. mettez pas l'argent de côté. C'est pas comme maintenant que vous avez quelqu'un qui travaille pendant un certain nombre d'années, puis après ils peuvent se retirer, ils ont planqué de l'argent, vous voyez, ils ont mis de l'argent de côté pour pouvoir vivre. Non. Mais tout le monde est comme ça. Vous aviez un boulanger, mais un boulanger à Brême, mais il élevait sa famille, mais il était aussi pauvre quand il se retirait que quand il commençait son boulot.